Votre histoire, mon cher, est celle de 1000 jeunes gens. Vous n'avez rien pu faire que vos mots divers. Et à quoi sont-ils bons, je vous prie? Je vous parle en père, moi. À quoi sont-ils bons? Un bon anglais doit être utile au pays. Voyons un peu. Quelle idée vous faites-vous de nos devoirs à tous tant que nous sommes? Je crois les comprendre, Milord. L'Angleterre est un vaisseau. Notre île en a la forme. La proue tournée au nord, elle est comme à l'ancre, au milieu des mers, surveillant le continent. Sans cesse, elle tire de ses flancs d'autres vaisseaux faits à son image et qui vont la représenter sur toutes les côtes du monde. Mais c'est à bord du grand navire qu'est notre ouvrage à tous. Le roi, les lords, les communes sont au pavillon, au gouvernail et à la boussole. Nous autres, nous devons tous avoir les mains au cordage, monter au mât, tendre les voiles et charger les canons. Nous sommes tous de l'équipage et nul n'est inutile dans la manœuvre de notre glorieux navire. Pas mal, pas mal, quoiqu'il fasse encore de la poésie. Mais, en admettant votre idée, vous voyez que j'ai encore raison. Que diable peut faire le poète dans la manœuvre? Milord, il lit dans les astres la route que nous montre le doigt du Seigneur. Imagination, mon cher, ou folie, c'est la même chose. Vous n'êtes bon à rien, et vous vous êtes rendu tel par ces billevesées. J'ai des renseignements sur vous. À vous parler franchement, et... Monsieur Chatterton ne sait pas qu'on a découvert ces petites ruses de manuscrits, mais elles sont bien innocentes, et je le lui pardonne de bon cœur. Le journal que voici est un bien bon écrit. Je vous l'apporte pour vous convertir avec une lettre où vous trouverez mes propositions. Il s'agit de 100 livres sterling par an. Ne faites pas le dédaigneux, mon enfant. Que diable! Votre père n'était pas sorti de la côte d'Adam. Il n'était pas frère du roi, votre père. Et vous n'êtes bon à rien qu'à ce qu'on vous propose, en vérité. C'est un commencement. Vous ne me quitterez pas, et je vous surveillerai de près. Kitty Bell supplie Chatterton par un regard de ne pas refuser. Elle a deviné son hésitation. Chatterton hésite un instant, puis après avoir gardé Kitty. « Je consens à tout, Milord. Je suis à vous tout à l'heure. J'ai quelques papiers à brûler. »« Bien, bien. Il se corrige de la poésie. C'est bien. »